Evariste Ndikomanyanga. Merci de rester fidèle à la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce 21 mai 2019. Nous voici d'abord le sommaire. La pénurie du carburant fait parler d'elle dans différents quartiers de la capitale économique et Bujumbura. L'équipe de la rédaction s'est rendue au nord de la capitale et vous entendrez le constat dans ce journal. Le PVVS de Guianga en province de Bubanza crie à l'équilibre dans la distribution des vivres destiné à ces malades du VIH-SIDA. Vous entendrez notre consoeur Spes Caritas Cabagnana. Et la chronique santé de ce mardi sera consacrée à la varicelle, qui est une maladie de la peau causée par le virus varicelle zona. Epitas Ndaichimie assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page économique. Les prix de certains produits comme l'huile de palme et le riz grimpent ces derniers jours sur le marché de Muyinga. Des consommateurs demandent une réglementation pour éviter la spéculation. L'administration précise que les prix sont réglementés pour les produits stratégiques. Correspondance signée Dieudonné Nzeyimana. Au marché de Muyinga, l'huile de palme est vendue par unité particulière. Un bidon de 5 litres se vend à 15 000 francs. Une bouteille en plastique d'un litre et demi, 5 000 francs. Et un seul kilo de cette huile s'achète entre 3 000 et 4 000 francs. Chaque commerçant fixa le prix à sa guise. Les consommateurs se lamentent face à une majoration d'au moins 2 000 francs par bidon à l'espace d'un mois. Le prix grimpe aussi pour le riz importé de la Tanzanie. Le kilo se vend entre 1 800 et 2 700 francs en fonction de la qualité. Situation similaire pour la farine de blé. Un sac de 25 kg est passé de 48 000 francs à 52 000 francs avec des incidences sur la qualité du pain et des beignets. Des acheteurs croisés au marché de Muyinga demandent une réglementation des prix. Le prix d'achat a augmenté sur les marchés d'approvisionnement, ce qui entraîne en conséquence la hausse des prix de vente sur le marché local, justifie les commerçants. Les acheteurs demandent l'intervention de l'administration, mais côté administration, le conseil économique du gouverneur de la province de Muyinga contacté à cet effet signale que les prix sont fixés uniquement pour les produits stratégiques comme le carburant, le reste étant réglementé par la loi de l'offre et de la demande. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. Sur ce, le directeur général de l'Office de l'huile de palme OHP explique que cette montée des prix de l'huile de palme est liée au cycle de production de cette culture. Augustin Kabaragassa tranquillise que ce prix va chuter vers le mois de septembre, qui commence la période de production de l'huile de palme. Suivez Augustin Kabaragassa, directeur général de l'OHP, au téléphone avec Placide Niumungire. Dans le cycle végétatif du palmier à huile, il y a une période où nous avons une grande production de l'huile et il y a d'autres périodes où le palmier à huile commence à apporter des fruits. Et pendant cette période, nous constatons qu'il y a une faible production. La période de grande production, c'est une période qui commence avec le mois de septembre au mois de décembre. Dans ce cas, l'huile de palme est très abondante. Donc cette période, c'est une période normale à faible production de l'huile de palme. Cela justifie cette légère augmentation du prix de l'huile de palme. Mais vous verrez, après le mois d'août, lorsque le palmier à huile commence à donner des fruits, le prix retombe encore puisqu'il y aura une grande production de l'huile de palme. Est-ce qu'il y a une stratégie qui peut être mise en œuvre pour que la production couvre cette période afin d'éviter cette flambée de prix? Nous avons un programme d'extension de la culture du palmier à huile dans d'autres provinces. Il y a des plantations jeunes qui n'ont pas encore commencé à donner des fruits dans les provinces de Rutana, de Ruyigi, de Chankuzo, de Muyinga. Nous constatons dans les années prochaines qu'il y aura une inversion de cette situation. Donc à vous entendre, les consommateurs de l'huile de palme n'ont pas à s'inquiéter par rapport à cette augmentation de prix qui s'observe aujourd'hui. C'est une situation normale parce que si on constate pour d'autres cultures, par exemple le haricot, dans la période de récolte, le prix d'un kilo diminue. Mais lorsque le haricot est encore dans le champ, le prix augmente. C'est question de périodicité du cycle végétatif et d'une culture. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page éducation à présent, plus de 750 bancs pupitres sont en train d'être distribués dans la direction provinciale de l'éducation en province Cibitoke. Les parents, les enseignants et les directeurs demandent que la distribution des bancs pupitres se fasse chaque année à temps puisque certains enfants s'asseyaient par terre. Les détails avec Alexis Ndeiragiche. C'est plus de 750 bancs pupitres ont été octroyés à la direction provinciale de l'éducation de Cibitoke par le ministère ayant en charge l'éducation dans ses attributions. Les 6 communes de la province de Cibitoke, chacune ayant eu plus de 120 bancs pupitres, sauf Rugombo et Mogui qui en ont eu 130. Suite aux problèmes de transport, les communes de Bukinanyana, Rugombo et Uganda, ces bancs pupitres ne sont pas encore y acheminés. C'est un nouveau soulagement chez les parents, les enseignants, certains directeurs contactés, puisque les enfants auront s'asseoir en suivant les cours, certains enfants suivant les cours étant aussi par terre. Surtout dans les communes de Buganda et Rugombo qui enregistrent des effectifs élevés des élèves. Néanmoins, certains directeurs restent avec inquiétude et qui n'auront pas des espaces pour mettre ces bancs pupitres, d'autant plus que les espaces sont réduits pour certaines salles de classe. Les parents, les enseignants et directeurs demandent que les bancs pupitres soient distribués à temps puisque ce matériel vient alors que l'année touche à sa fin. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Merci à Alexine Dairagije. Transport à présent. La police de sécurité routière met en garde ceux qui exercent le métier de transport à moto sans porter leur casque et ceux de leurs clients. Le commandant de la police spéciale de roulage PCR indique que le délai qui leur avait été accordé pour se conformer à la loi est déjà arrivé à terme. Au PC1, Roger Banghibiguila souligne qu'il est alors temps de passer aux sanctions. Suivez-les au micro de Marie-Claire Cazenez. Le port de casque, c'est une obligation légale. Ça figure en bonne place dans le code de la circulation routière. Et nous, en tant que gestionnaires de la sécurité routière, c'est une question qu'on a pris à bras le corps. Vous vous rappellerez que le 25 mars de cette année, en collaboration avec l'administration municipale, tous les motards opérant dans la capitale, et on leur a transmis un message assez clair concernant le port de casque. On leur a accordé un délai de grâce d'un mois pour que tout motard soit équipé de casque pour lui-même et pour le client. À l'expiration de ce délai, nous avons, comme convenu, mené des opérations dans le sens de les y contraindre. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de casque pour lui-même et pour son client se voit infliger d'une amende de 10 000 francs par casque. Et par malheur, si d'autres documents manquent, ou si le conducteur n'a pas de permis de conduire, la moto est saisie et elle n'est relâchée que sur présentation de ses documents, du permis de conduire, mais aussi des casques. Et jusqu'à présent, tout se passe bien, même s'il y en a qui croient encore être capables d'échapper à notre vigilance. Mais je voudrais leur dire qu'ils peuvent échapper le matin et le soir, il est tombé dans nos filets. Ou si ça ne se passe pas le même jour, le lendemain ou le surlendemain, ça finit par arriver. Ce n'est pas par plaisir que nous leur demandons de mettre le casque. Parce qu'on a déjà remarqué qu'en cas d'accident, celui qui ne porte pas de casque ne subit pas les mêmes traumatismes que celui qui a pris soin d'en mettre. Alors qu'ils prennent cette habitude pour leur bien, pour le bien des passagers, pour le bien de la sécurité, de toujours penser à mettre le casque. Faudrait-il aussi rappeler aux clients qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans le respect de cette mesure. C'est-à-dire que tout passager qui veut utiliser la moto pour se déplacer devrait s'assurer que le motard lui donne un casque. Un casque pour ne pas garder entre les mains, un casque pour ne pas montrer qu'on en a, mais un casque qu'il faut absolument porter et bien mettre. Page santé à présent, les personnes vivant avec le VIH de la commune Guihanga, province de Bouvanza, se lamentait de la gestion et la distribution d'une assistance en vivres qui leur est destinée. Ils disent que certains vulnérables ont même un problème de pouvoir prendre leurs médicaments dans un ventre creux et qu'ils ne comprennent pas les critères de sélection des bénéficiaires par les distributeurs. De son côté, le responsable du service de prise en charge des PVVS à l'hôpital de Gihanga explique que l'assistance alimentaire destinée à ces personnes arrive toujours en petite quantité et que les plus nécessités sont les premiers à être servis. Les détails avec Spes Caritas Cabagnana. Ces personnes vivant avec le VIH-Sida disent ne pas comprendre pourquoi elles ont été rayées de la liste des bénéficiaires d'une assistance en vivres. Les médicaments ARV leur prescrits sont difficiles à prendre quand elles n'ont pas mangé, comme elles le disent, et réclament cette assistance. Cette femme ajoute qu'elle considère la distribution de ses vivres d'injuste et d'illégal et dit également ne pas comprendre les critères de sélection puisqu'il y en a qui sont encore bénéficiaires. De son côté, la responsable de la section prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida à l'hôpital Saint-Augustin de Gihanga reconnaît les lamentations de ces personnes mais précise que cela dépend des critères d'éligibilité et que les bénéficiaires ne dépassent pas 15 personnes sur 288 enregistrés. On regarde si tel PVVH a un problème de malnutrition. Les PVVH qui ont ces problèmes de malnutrition, c'est celui qui vont être les bénéficiaires du kit Vivre PAM. Et pour le moment, nous avons 288 PVVH. Et parmi ces PVVH, les bénéficiaires étaient au nombre de 15. Kanyana Dafroze demande aux bienfaiteurs de venir en aide à ces personnes vivant avec le VIH-Sida, puisque la plupart d'entre elles sont des vulnérables, incapables même de faire un travail rémunéré afin de subvenir à leurs besoins. Spes Caritas Kabanyana Bubanza, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Place au reportage du jour. Il existe une usine Irichalk de fabrication de craie sur la colline Murambi de la zone Gatabo, en commune Kiganda de la province de Muramza. Les fabricants de ces craies et les responsables de l'usine affirment que près de 2500 craies sont fabriquées par jour. Juvenal Ndachaisaba, chargé de la comptabilité à cette usine, déplore cependant le manque de matériel auquel elle fait face pour fabriquer le plus de craies possible. Le reportage est signé Eline Bel Nibikira. C'est l'une des personnes fabriquant les craies à l'usine Richok en zone Gatabo de la commune Kiganda en province de Muramvya qui raconte comment se fait la fabrication de craies. Il indique qu'elle produit plus de 200 craies d'un seul coup, mais que la société a trois machines à sa possession et ces machines sont manuelles, ajoute-t-il. La question relative aux machines est également soutenue par le comptable de cette usine. Juvenal Ndaisaba demande la puis en machine moderne pour que la production augmente. Cette société, c'est la société de transformation des craies à écrire. Nous avons commencé cette société au nombre d'employés hier, d'autres avec des employés. Mais aujourd'hui, les employés sont au nombre de 8. Pour la transformation des craies, nous utilisons les produits gypsum. Ces produits sont étrangers. Nous fabriquons la quantité de 6 cartons par jour. Et un carton contient 20 boîtes et une boîte contient 120. Nous demandons de bien vouloir nous offrir une machine électrique parce que nous utilisons la machine manuelle. Le directeur du lycée communal Kiganda, Claudien Habonimana, qui achète parfois ses craies, dit que les craies achetées à cette usine ont permis les réductions de craies utilisées par trimestre à son école et demande que la société soit appuyée. J'admire beaucoup ces craies de cette société. Ce sont des craies dures, de qualité, et les enseignants admirent beaucoup comment elle fonctionne. Nous demandons à cette société de travailler beaucoup et nous demandons aux autorités du pays de venir ici voir le manquement pour appuyer cette société. Les crêts de cette usine de transformation sont également vendus dans d'autres provinces environnantes de Muramvya, dont Bujumbura, Gitega, Karusi et Ruyigi, comme le disent les responsables de la dite société. Merci à Eline Ibel pour tous ces détails. Je vous le dis en titre, une pénurie du carburant de type mazout s'observe dans les quartiers nord de la capitale de Bujumbura, la capitale économique. Les consommateurs de ce type de carburant affirment qu'ils travaillent à perte. Ceux qui achètent les matériaux de construction indiquent que cette pénurie a déjà provoqué la hausse de prix. De l'autre côté de la vitrine, l'homme indique que l'élément n'est pas prêt. On va y revenir dans notre édition de la soirée. Place à la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. La varicelle est une maladie de la peau, je vous le disais en titre, causée par le virus varicelle zona. Cela est dit par le dermatologue qui explique que les boutons remplis de liquide sont des symptômes caractéristiques de cette maladie. Docteur Eddy Mupera fait savoir que généralement, la varicelle est une maladie infantile, même si elle peut toucher rarement les adultes. Les détails de cette chronique avec Ornella Mucho. La varicelle, c'est une maladie causée par le virus appelé varicelle zona. Comme l'indique le dermatologue Dr. Eddy Mupera, indique également qu'elle peut être causée par un affaiblissement des défenses immunitaires. Il ajoute que les premiers boutons apparaissent généralement sur le thorax, sur la nuque ou à la racine des cheveux. La varicelle, en principe, c'est une maladie qui est dite communautaire, c'est-à-dire qui est couramment observée dans la pratique quotidienne au sein de la population communautaire. Et c'est une maladie qui a des signes qui sont ce sont deux vésicules. Les vésicules, ce sont des boutons et qui renferment du liquide et qui, à un moment, à cause du grattage, vont se rompre avec un risque de surinfection. Cette fois-ci, il risque d'y avoir, avec le contenu qui était initialement clair, que ça va devenir trouble, donc ressembler à du pus. Ça s'accompagne naturellement d'une fièvre et on observe des adénopathies. Ça survient dans un contexte d'altération de l'état général avec une tendance, avec des courbatures, une sensation de malaise avec des douleurs musculaires et articulaires, une diminution de la force, c'est comme si on était abattu, une diminution de l'appétit. La varicelle touche généralement les enfants âgés entre 3 mois et 10 ans. Docteur Eddy Mupera l'explique. Et c'est une maladie qui touche essentiellement les enfants parce que les enfants ont une immunité qui est relativement réduite et qui n'est pas encore mûre. Une fois que la varicelle s'observe chez l'adulte, le patient mettra beaucoup plus de temps qu'un enfant pour s'en remettre. Et la varicelle, quand elle vient chez l'adulte, c'est généralement, elle est considérée comme une maladie opportuniste, étant des maladies qui sont observées au cours d'une immunodépression avancée, quand le corps ne peut plus se défendre vaillamment. On voit une émergence de maladies qui étaient jusque-là contenues par les mécanismes de défense de l'organisme. Selon toujours Dr. Eddy Mupera, la varicelle, c'est une maladie infantile très contagieuse et transmise par voie respiratoire. La varicelle et se transmet par les voies aériennes au cours de la respiration à proximité d'un malade. On contracte cette maladie facilement. C'est pour ça qu'elle est dite communautaire. Quand le microbe s'introduit pour la première fois dans l'organisme, il cause la varicelle. Quand il y a une poussée de varicelle, en principe, ça reste une immunité résiduelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contracter la varicelle en temps normal. À 2 heures, ça va laisser en place des anticorps qui pourront défendre vaillamment l'organisme contre une nouvelle agression. Chez les personnes qui ont des tares comme le diabète, le cancer ou des infections à VIH, ces tares vont diminuer leur mécanisme de défense. Et c'est pour ça que chez ces personnes, on peut observer de nouvelles poussées de varicelle. Le traitement de la varicelle et les risques de cette maladie, une fois qu'elle n'est pas traitée comme il faut, c'est dans la prochaine chronique santé. C'est sur cette chronique santé de Ornella Mucho que se referme cette édition, mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, je le rappelle, l'essentiel de l'actualité. La pénurie du carburant de type mazout fait parler d'elle dans différents quartiers de la capitale économique et Bujumbura, comme l'a constaté l'équipe de la rédaction. Le PVVS de Guianga, en province de Bubanza, crie à l'équilibre dans la distribution des vivres destinés à ces malades du VIH-Sida. Et la chronique santé de ce mardi nous a parlé de la varicelle, une maladie de la peau causée par le virus varicelle zona. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Epitas Ndaichimie pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bon après-midi à toutes et à tous.